écoutez, Seigneur, et la victoire d'une nouvelle ardeur a pu vous enflammer. Jamais un autre soin, jamais un autre soin vous dût-il animer. Non, non, un grand cœur n'est fait que pour la gloire. Cherchons dans les combats où le crayon vous le prépare. Recouvrons, cherchons dans les combats où le crayon vous le prépare. Où le crayon vous le prépare. Un autre va doubler que la sphère attentisse, que l'ennemi vaincu soumis le coup périsse. Que David avec nous soumisse. Cherchons dans les combats, cherchons dans les combats. Où le triomphe, où le triomphe, où le triomphe. Cherchons dans les combats, où le triomphe, où le triomphe.